ça c'est bon but. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Salut tout le monde et bienvenue pour ce 5e épisode d'Autour du feu. On va décortiquer le tout dernier épisode de Koh-Lanta avec l'élimination de Chloé. Je suis Damien. Plantcaster n'anime pas aujourd'hui car il est chez ses parents. On l'embrasse, je sais qu'il nous écoute. Et tout de suite, on va passer à la présentation des invités. Donc un revenant, enfin il y en a même deux d'ailleurs. Donc on va commencer par Monsieur Sgorg. Je vais présenter Lucas. Salut Lucas. Salut. Alors comment ça va aujourd'hui? Bah ça va très bien. Prêt pour ce podcast qui s'annonce excellent. Ensuite, le deuxième, c'est normalement sa maman ne fera pas d'apparition aujourd'hui. C'est Clément. Salut Clément. Salut. Je la vois à chaque fois celle-là. Ouais, jusqu'à la fin. Ça va bien à part ça. Oui, ça va. On va accueillir aussi deux petits nouveaux. Donc le premier, c'est un joueur de Sgorg saison 4 et 5, un très bon joueur social qui a perdu aux portes de la finale du All-Star. Il a 21 ans et c'est Juju. Salut Juju. Salut à tous. Écoutez, très très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement? Voilà, Juju ou Julien, j'ai 22 ans maintenant. Damien, t'es plus à jour. Ouais. Ah oui, désolé. T'inquiète. Je suis étudiant, j'habite en région parisienne et voilà, comme tu l'as dit, je suis joueur d'ORG depuis maintenant un an à peu près. J'en ai fait quelques-unes. Oui, parce que ce Survivor Panama a commencé il y a maintenant un an. Donc voilà, on fera un épisode d'ailleurs, ce qui vous expliquera un petit peu ce que c'est que les ORG, comment on joue à ça, comment c'est organisé. Je pense que ça peut être très passionnant aussi pour les gens qui peuvent pas forcément faire Koh-Lanta en vrai. Et le dernier, il a un pseudo assez imprononçable, donc on l'appellera Scat. Salut Scat. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter aussi? J'ai 19 ans et je regarde Koh-Lanta depuis très longtemps. D'accord, depuis combien de temps à peu près? Quelle saison? La saison All-Star en 2009. D'accord, donc la saison avec Jade, Romuald et compagnie, ça. Alors, on va commencer sans plus tarder. En général, avant la première épreuve, on a une petite période comme ça où on voit les joueurs qui communiquent entre eux, qui réagissent aux derniers éliminés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention avant cette épreuve? Tout le monde semblait content que Victor était-je. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose de ce point de vue, pas grand-chose de croustillant à se mettre sous la dent. Après, il y a aussi une remarque qui a été faite, comme quoi les autres équipes avaient remarqué Béatrice avait le collier plus le bracelet, donc ça lui met une target aussi, je pense. Ouais. Ça, ouais, on l'avait dit, je crois, la semaine dernière, justement, Les joueurs l'ont remarqué, du coup. Ouais. Après, le bracelet n'est valable que jusqu'à la réunification, non? Mais tout le monde sait qu'elle a un collier, quoi, alors que Cindy, personne ne sait qu'elle a un collier. C'est vrai. Du coup, on va passer au, je dirais, un des gros highlights de l'épisode, l'épreuve de confort. Donc, l'épreuve de confort, c'est la fameuse épreuve des bambous qui a été survolée par les jaunes et notamment par Nicolas, qui doit bien culminer à 1m95. Et la récompense, qui était d'avoir le choix entre 3 kilos de riz ou un appel aux proches. Alors là, la question vraiment que je voulais vous poser, c'est déjà... qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette épreuve? Et ensuite, enfin, même si nous ne sommes pas dans Koh-Lanta, c'est facile un petit peu de faire des commentaires derrière sa télé. Après, on est là pour ça. Est-ce que vous auriez choisi le riz ou les proches? Alors, moi, j'aurais choisi le riz. Tout simplement parce que je pense que la nourriture est plus importante à Koh-Lanta et que l'appel des proches, au final, c'est pas si important que ça. Eh ouais, je suis assez d'accord. Après, tout dépend de la situation dans laquelle est la tribu. Une tribu qui a déjà le kit de pêche, qui a déjà de quoi se sustenter, n'a pas forcément besoin, mais ce n'était pas le cas des jaunes. Les jaunes, et Béatrice l'a bien souligné, ils ne mangeaient pas. Donc c'était le bon choix de prendre le riz, à mon avis. D'ailleurs, Béatrice a remonté dans mon estime avec ce choix. Je suis assez d'accord avec vous, c'est que tout est affaire de contexte, et surtout, c'est que les jaunes manquaient énormément de nourriture, et que tous les jaunes, en gros, étaient unanimes, sauf un, Nicolas, qui a vraiment un attachement extrêmement fort avec son fils et qui a du mal à tenir émotionnellement à cause de ça. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a osé dire qu'il pouvait se passer de manger alors que c'est le premier à penser à jeun 4 à la bouffe quand même. C'est vrai. Moi, Nicolas, il me fait penser à Benoît de Rajan Pat, qui avait été viré parce qu'il pensait que à son fils alors qu'il était fort dans les épreuves. Ouais. Là, il s'était fait virer avant la réunification, il était dans l'équipe des jaunes de Teora. Ouais, je m'en souviens. Il avait pris les 4 votes des filles. Oui, complètement. C'est un bon rapprochement. Alors, dans le chat, El Predator dit « J'aurais choisi le riz pour pas montrer ma vie privée à la télé ». Alors, Cers, par contre, n'est pas forcément d'accord parce qu'elle dit que vu qu'ils avaient aussi les lentilles, ils auraient pu totalement faire l'impasse sur le riz. Soweto aussi dit que sans Nicolas, les jaunes n'auraient pas gagné et que donc son avis aurait pu compter un peu plus dans la balance. Sauf qu'ils en avaient discuté avant de partir à l'épreuve, d'après ce que j'ai cru comprendre, et qu'ils s'étaient mis d'accord pour choisir, en cas de choix nourriture ou autre chose, de choisir la nourriture. Ils ne savaient pas forcément que le deuxième confort, ça allait être genre un téléphone. Après, je pense que vu l'avancement du jeu, ils pouvaient peut-être se douter que l'appel aux proches arriverait à peu près dans ces eaux-là. Après, je pense que nous, on peut pas trop juger, parce que là, on n'est pas loin de notre famille. Genre, moi, si je veux aller voir ma mère, j'ouvre la porte, par exemple. Mais c'est un choix qui est assez difficile. Mais après, personnellement, moi, j'aurais pris le riz aussi, parce que je m'en bats complètement les couilles. Mais je pense qu'il y en a plein de gens qui peuvent dire, ouais, maintenant, qui vont dire, ouais, moi, je préfère le riz. Alors que dans le vrai jeu, ils auraient pris le téléphone. Puis je vois pas trop qui j'aurais pu appeler, en fait. C'est un peu triste. Et peut-être dernier élément pour conclure sur ce sujet, c'est l'argument que Béatrice et les jaunes ont apporté, comme quoi Nicolas, ça lui aurait fait peut-être plus de mal que de bien d'avoir le coup de téléphone. Ouais. Moi, je trouve que c'est vrai, il est déjà au bout de sa vie. Et même, on l'a vu avec Sophie, qui a à peu près le même problème que Nicolas, mais elle a assumé que ça lui aurait fait du mal. Alors que elle, sa fille, lui manque énormément aussi. Elle est sûrement un peu plus mature que lui aussi. En étant plus jeune. Du coup, voilà, après, sa réaction, elle est disproportionnée, clairement. Ce qu'on a vu aussi, c'est ce qui m'a étonné, c'est qu'on a eu, pour la première fois, un edit positif de Claude, juste après cette épreuve. Qu'elle parle de sa famille, etc. C'était la première fois qu'on avait Claude en lumière positivement, je trouve. C'est vrai que pour l'instant, Claude avait eu des confesses ou insignifiants, ou alors on l'a présenté de manière un petit peu négative. Dans le chat, Soweto qui dit « Moi, je pense que Nicolas est en danger s'il y a un autre conseil, parce qu'on a vu deux fois son portrait. » Mais il s'est mis tout le monde à dos, en fait, avec sa réaction. Il les a tous saoulés. C'était vraiment pas intelligent de sa part. Évidemment, on va pas tirer de conclusions beaucoup trop hâtives devant l'écran. Perso, j'avais une petite hypothèse en voyant un petit peu le rapport qu'il entretient avec son fils. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une petite dépendance affective de Nicolas vis-à-vis de ça? Et du coup, pour lui, ça représente énormément de défis. Parce que dans son portrait, il dit qu'il est très fusionnel avec son fils. Et de voir sa réaction, on sent qu'il est complètement sincère et que l'absence de son fils lui pèse énormément. Enfin, on sait aussi que sur une île, avec la faim, les sentiments sont exacerbés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, un petit manque de force mentale aussi de la part de Nicolas? C'est à voir. Je pense que dans ce cas, il aurait peut-être pas dû faire Koh Lanta s'il a absolument besoin de son fils pour aller bien. Après, il a peut-être voulu se prouver quelque chose à lui-même, qu'il en était capable. Voilà, c'est un défi qu'il se lance. Après, faut se dire aussi que, comme tu disais, Damien, sur l'île, c'est pas évident. Et puis, t'as la faim, t'as la fatigue et t'as le fait que, mine de rien, je pense que tu t'ennuies beaucoup. T'as le temps de ressasser à longueur de journée, en fait. C'est vrai qu'il y avait plusieurs candidats comme ça qui disaient qu'entre les épreuves, même sur l'île, le temps est très, très, très long et qu'on l'occupe, il y en a beaucoup qui l'occupent en parlant de bouffe ou en ressassant un peu les choses sur la famille. C'est vrai que c'est une dimension qui n'apparaît pas forcément qu'il faut justement ne pas prendre à la légère l'ennui. Après, Nicolas, il s'est quand même remis en question après sa grève de la faim, entre guillemets. Il a quand même décidé de manger. On a griffé sur le chat qui dit que c'est le charme de Nicolas d'être aussi lunatique, il est capable de tout donner d'un coup puis de tout abandonner et inversement. Et Felous qui dit que Nicolas est le jaune le plus intéressant avec Steve. Donc je suis assez d'accord avec eux. Je suis pas trop d'accord pour Steve. Moi je suis pas d'accord. Ouais, après j'ai vraiment hâte de voir comment va se débrouiller le duo Angélique et Aurélien. Ouais. Parce que pour moi, ça peut être un duo très intéressant. Bon, on l'a vu au teaser, mais comme l'a fait remarquer Soweto, il cherche le collier alors que c'est Béatrice qui l'a. Peut-être d'autres colliers cachés sur l'île, ouais, s'il n'y en avait qu'un. Il a dit qu'il y avait des colliers qui étaient cachés. Mais j'avoue que la merge va être intéressante avec les trois teams. Moi, je vois bien, même limite, un F6 avec deux jaunes, deux rouges, deux bleus, ou peut-être 3-2-1, des trucs comme ça, quoi. Ça serait très étonnant d'avoir une team complètement décimée arriver vers le F7, F6, oui. Même si je pense quand même qu'on aura une alliance rouge-bleu à la merge au début. Je suis pas sûr, peut-être plus rouge-jaune. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter un petit peu sur les bambous, les proches, Nicolas? Bah moi, j'aurais la honte si Denis m'avait dit « Ouais, on va changer l'épreuve parce que vous êtes nuls. » Je trouve que c'est une épreuve adaptée plus pour les hommes. Bah pour les grands, quoi. Bah, je me rappelle Manuela qui était grande, qui avait été hyper performante, ou Karima qui avait bien réussi aussi. Non, elle avait pas fait d'ailleurs, cette épreuve. J'ai un coup de n'importe quoi, mais. Manuela, par exemple, comme elle était grande, elle attrapait facilement le truc. C'est une épreuve pour les personnes de grande taille. Non seulement il faut de la détente, mais aussi, c'est vrai que Nicolas, qui est très grand, je sais plus qui a de très grands dans notre équipe, mais c'est ceux qui gèrent le plus. Et je vois, par exemple, je sais pas quelle taille vous faites, mais moi qui fais 1m66, si je devais faire Koh-Lanta, je sais que cette épreuve, je serais nul à chier. Ah, moi aussi. Et je fais 10 cm de plus que toi, hein. Mais j'aurais quand même dû lâcher. Comme ils l'ont dit au moment de tirer les boules, Mohamed et Aurélien, c'était vraiment pas de chance, hein. Ah ouais, bah ça, Mohamed qui fait 1m89 et qui deux fois de suite ne fait pas l'épreuve, pas de chance. Après, et Aurélien qui fait du parcours, quoi. Après, son équipe, elle a gagné alors qu'elle avait trois femmes dans son équipe. C'est surtout Nicolas qui a carré. Ah ouais, Nicolas, il a ramené 6 bambous et puis je crois que Steve, il en a ramené 2. Non, je crois que Béatrice, elle en a eu un. Par contre, le saut d'Angélique. elle a sauté dans l'eau. C'est pas mal. Elle a même pas sauté, elle a tombé par terre. Bah, elle a couru, elle s'est stoppée et du coup elle s'est dit je vais pas l'attraper, je vais aller plus vite. Même Chloé, elle a sauté plus haut que elle. C'est vrai que cette épreuve nous offre pas mal de moments de rigolade. On voit dans le chat Gargo qui dit qu'il se rappelle de Julie qui avait fait un plat et plan ou Félicie, ouais. Du coup, on va passer à l'épreuve d'immunité, l'épreuve de la boue. En gros, pour rappel, les candidats devaient se jeter dans une mare de boue argileuse pour remplir un seau et ensuite prendre de la paille de coco pour en faire des projectiles et dégommer des statuettes. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette épreuve et de cette réinterprétation d'une épreuve assez classique de Koh-Lanta? Ben, on a toujours des scènes sexy dans cette épreuve. Toutes les femmes en maillot de bain qui se pressent. Ouais, ça m'énerve un peu, ouais, parce que voilà, ça m'énerve en fait. En plus, limite, il serait en vêtements, ça serait mieux. Genre, Yestel l'avait gagné parce qu'elle avait un grand short, par exemple, cette épreuve. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu l'équivalent des cylindres de Fort Boyard, mais version Koh-Lanta, quoi. C'est-à-dire, ça permet de voir des filles qui se jettent dans la boue. On permet de tout voir. De temps en temps, si la culotte tombe et qu'on voit un début de raid des fesses, on est content. Le duo Nathalie Cassandre, par exemple, qui avait gagné cette épreuve, d'ailleurs. Je pense que ça arrangeait bien la prod qu'il y ait deux femmes assez sexy ensemble, quoi. Après, faut parler aussi de l'épreuve de la boue, parce que c'est vraiment cool que vraiment les épreuves elles se SVTisent, entre guillemets, parce que il y a vraiment deux parties différentes à chaque fois maintenant. Puis il y a plus d'adresses et tout, donc c'est cool. Ouais, ça c'est cool. L'innovation était intéressante, apportait quelque chose. Voilà, je suis assez d'accord avec vous là-dessus, justement. C'est le fait que ce soit pas simplement une épreuve où tu dois ramener le plus de boue possible, où justement tu dois faire quelque chose avec ça, tester un jeu d'adresse. Et c'est ce qu'on dit depuis le début du podcast, c'est que les épreuves de Koh-Lanta se survivorisent, si on peut dire, avec des parties vraiment adresse, des parties comme ça, et ça rend vraiment les épreuves beaucoup plus intéressantes et même beaucoup mieux rythmées. Et tout le monde tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, je pense, dans ce genre d'épreuve. Faut pas être que fort physiquement sur une épreuve, faut bien qu'il y ait des personnes agiles, adroites, qui savent tirer, des trucs comme ça. Réfléchissent pour les puzzles. Après, il y a peu de puzzles pour l'instant, je pense. Il y a eu depuis le début. Oui, il y a eu le puzzle de la tortue, mais il était pas très dur, hein, je suis désolé. Non, il était pas très dur. Et il y a eu celui où Chloé a fait n'importe quoi en longueur, là. Après, ce qu'ils ont dit sur Facebook, c'est que Chloé n'a pas fait n'importe quoi, c'est juste que les autres, ils ont été très bons dessus. Alors, dans le chat, on nous dit aussi que les épreuves, le montage des épreuves par ALP est beaucoup plus professionnel et beaucoup mieux fait, beaucoup plus rythmé. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, c'est de la part de Felouz qui dit que les épreuves sont mieux montées. Soweto aussi qui dit ça. Plantcaster qui nous écoute mais qui ne parle pas aujourd'hui. On t'aime. Voilà, on t'aime, on pense à toi. C'est vrai que l'épreuve de confort, ça m'avait vraiment étonné que genre au début ça allait hyper vite, genre tac tac tac tac tac, les bambous ils étaient pris au début, là. Ça allait vraiment vite. Mais c'est surtout le fait qu'ils ont commencé directement sur la plateforme et pas en nageant. Du coup, suite à cette épreuve, c'est l'équipe rouge qui décidément fait sa troisième ou quatrième, je sais plus, apparition au conseil. Troisième. Donc l'équipe rouge qui se retrouve encore une fois au conseil, on les sent un petit peu dépités. Et là, on va parler comme des dynamiques un petit peu de l'équipe rouge. Donc qu'est-ce que vous pensez, parce que voilà, on va ça rien de spoiler, donc c'est Chloé qui a été éliminée. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous paraît entièrement logique? Est-ce qu'elle aurait pu s'en sortir? Je pense qu'elle aurait pu s'en sortir. Ah et comment? Je pense qu'ils ont pu choisir à la force qu'à l'affect. S'ils avaient choisi l'affect, ça aurait été peut-être Xavier qui aurait été éliminé. Oui, ça aurait été Xavier, clairement. Est-ce qu'elle a tout fait pour s'en sortir, en fait? C'est ça la question. Non, je pense qu'elle se sentait... Elle voulait plus trop être le boulet de l'équipe, et je pense qu'elle a vécu son aventure et elle a accepté de partir aussi. Ouais. Je suis d'accord. Mais pourtant, elle a essayé de chercher le collier. Bah oui, parce qu'elle voulait pas quand même complètement baisser les bras. Comme Maud l'a dit, Chloé a beaucoup d'avantages de qualité. Moi, je trouve que ça en est plutôt bien sorti pour quelqu'un qui a un handicap, quand même. Qui avait un handicap. Ouais, qui avait, non, elle est en pleine forme, là, maintenant. Ouais, je pense que Chloé, c'est une des plus belles histoires de ce Koh-Lanta, je trouve, Chloé, quand même. Qui a été respectée malgré tout, et ils étaient super tristes de la perdre. Pour Chloé, ça m'a fait bizarre, dans le sens où, quelques heures avant, elle l'aidait à chercher le collier, je pensais pas qu'elle serait capable de voter contre Chloé. Mais c'est parce que elle l'appréciait, et je pense qu'elle lui a même, elle lui a dit qu'elle voterait contre elle. Parce que c'était son amie, elle l'a aidée. C'est une histoire d'amitié, c'est tout simplement. Alors, dans le chat, on a El Predator qui nous dit qu'il a regardé le live Insta d'Alexandre et qui dit que la prod a gardé du suspense, alors que dans les faits, tout le monde s'était mis d'accord sur l'élimination de Chloé. Ensuite, on a Felouze Plantcaster qui insiste sur le fait que Xavier a très bien joué, ce qui est vrai. Si Interpol, qui dit quelque chose d'intéressant, il dit que les Rouges doivent déjà préparer la réunification, et que Chloé ne leur était d'aucune utilité, alors que Xavier est un atout. Là-dessus, c'est pas forcément... Je suis pas d'accord. Ça, hein. Parce que Xavier va sûrement se retourner à la réunification. Moi, je suis au bottom pendant trois conseils, je suis pas mon équipe à la réunification. Ça, je sais pas trop, parce que justement, c'est ça qu'il s'est bien intégré, et surtout, c'est que s'il se retourne contre eux, il va suivre qui? Est-ce que ça... À quoi ça va lui servir? Il va être au bottom d'une autre équipe. Voilà. D'une autre équipe avec plus de joueurs. À la limite, si Victor n'avait pas sorti chez les jaunes, peut-être qu'il aurait été avec les jaunes, mais il n'y a personne en gros à suivre. Après, s'il y a un nouveau conseil rouge, je pense que Xavier n'a aucune chance cette fois-ci. Là, c'est clair et net. Xavier n'a plus aucune chance de s'en sortir. En fait, l'épreuve d'immunité de la semaine prochaine sera une épreuve éliminatoire pour Xavier. Après, je pense pas qu'ils iront au conseil la semaine prochaine. Non, je pense pas non plus. Moi, je pense que ça serait plus les bleus. Bleu ou jaune. M'entends avoir les bleus, jaune, ouais. Prochain conseil. Moi, j'aimerais bien les jaunes, moi. Bah, parce qu'en fait, à part l'histoire de Nicolas, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et puis, on ne sait encore pas grand-chose où se placent les alliances. Donc ouais. Moi, j'aimerais bien. Parce que, genre, j'aimerais vraiment voir le potentiel que peuvent nous donner, par exemple, le duo Aurélien-Angélique ou voir ce que ça peut donner en vrai. Mais je pense que en cas de conseil jaune, ça sera encore une fois pas beaucoup de suspense et que Nicolas sortira. Malheureusement. Sophie. Mais. Moi, à mon avis, un des deux vantages aux ambassadeurs. Bien sûr, on verra. Ça dépend qui est l'ambassadeur. Mais après, je pense que ça va être les chefs, l'ambassadeur. Ça va être les chefs, ouais. L'ambassadeur. Et je pense que Béatrice, virer quelqu'un, je suis pas sûr qu'elle vire Sophie. C'est que Nicolas était Béatrice, ça m'étonnerait qu'elle se sache. Il y aurait Steve qui serait beaucoup, très en danger si elle virait quelqu'un, je pense. Non, Steve, je pense qu'elle le dégagera pas. Mais je pense si elle virait quelqu'un, c'est celui qui a le plus de chances de sortir. Est-ce que vous pensez justement que l'infériorité numérique des Rouges, bon, puisqu'ils ne sont plus que 4, est-ce que vous pensez que paradoxalement, ça peut totalement leur servir en cas de réunification, où ils pourraient un petit peu se greffer à une... Enfin, dans le cas où vraiment on a des alliances un petit peu bleues contre rouges, contre jaunes, est-ce que vous pensez justement que la position de minorité des Rouges peut leur servir à être un petit peu le vote pivot pour essayer d'éliminer des grosses menaces à la réunification. Ah ouais, ça va clairement les sauver. Moi, je pense que oui. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. S'ils jouent finement, ça peut les sauver parce qu'ils peuvent convaincre une autre équipe de les garder avec eux le temps d'éliminer les menaces de la troisième. Et après, ils se retournent. Et ensuite, essayer d'être un peu en position de swing vote entre deux grosses alliances. Mais il faut qu'ils jouent intelligemment. Et ils ont le potentiel pour ça. Maud, Cyril et Alexandre ont le potentiel pour faire ça. Après, question niveau des bleus, parce que beaucoup de personnes disent que c'est vers les bleus qu'ils se tourneront. Moi, je suis pas sûr du tout qu'à la réunification, les bleus restent ensemble. Vu comment Cindy et Fred ils sont mis à part, il y aura sûrement un Fred qui va virer et une Cindy qui va faire autre chose, qui ne suivra pas son équipe. Si quelqu'un devait virer, je pense que ce serait plutôt Cindy par contre. Non, l'alcool. Parce que dans les épreuves de nage et tout. S'il y a un conseil bleu, c'est Frédéric qui sort, ils font 2-2, Cindy elle utilise le collier et voilà. On l'a vu au début que Maxime n'était pas très con, il avait mis un vote contre Alizéa. Justement, je pense que cette réunification est intéressante parce qu'on a des candidats qui sont joueurs. Ouais, ça reste pour l'instant juste de l'imagination, mais imaginez par exemple Maud qui pourrait s'allier avec un Frédéric, par exemple. On dit qu'est-ce que ça pourrait donner, par exemple, ou enfin une alliance Maud Cyril Cindy Frédéric. On se dit que ça pourrait être vraiment pas mal. On dit que ce serait vraiment très cool, cette alliance Maud Cyril Frédéric Cindy. On a des personnalités importantes, cool, et ça change en vrai. On nous avait présenté que le casque comme un casque de gros sportif, je trouve que je suis agréablement surpris niveau strat. Ouais, bah je suis assez d'accord avec ça aussi. Hein. C'est, ils sont joueurs, ils n'ont pas peur de jouer, et tous ceux qui voulaient voter un petit peu au mérite ont été éliminés. On n'y entendait pas grand-chose au début de la saison, donc c'est pour ça qu'on est surpris en fait. Et c'est pour ça que pour l'instant, cette saison, pour moi, elle est plutôt bonne. Ouais, elle est bonne, ouais. Elle est meilleure que Koh Lanta Fidji ou des trucs comme ça. C'est sûr. Fidji et l'île au trésor. Après, je sais pas si vous voulez dire un mot de ça. Enfin, c'est peut-être, on s'avance peut-être un peu trop, mais comment se passeront les ambassadeurs à votre avis? Il n'y en aura peut-être pas. Si. Mais... Je pense qu'il y aura un sacrifice et qu'ils n'iront pas à la boule noire. Non, mais il voulait dire, est-ce qu'il y aura trois ambassadeurs? Ou alors, il y aura peut-être une épreuve qui immunisera quelqu'un, une équipe des ambassadeurs. Mais je pense que ce serait dangereux pour l'équipe qui gagne à ce moment-là, de pas aller aux ambassadeurs. Le chef de l'équipe qui sera immunisé pourra aller aussi aux ambassadeurs, discuter avec les autres ambassadeurs, avec les autres chefs. Mais seulement, après, moi, les membres de tribu seront sauvés. Moi, j'ai pensé à quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez de le combat des héros, je crois, où vous étiez contre les sportifs, là? Les ambassadeurs, c'était une épreuve, et la personne qui perdait devait éliminer quelqu'un de son équipe. Et ça a été ce que ça trace, ça? Et c'était Gwendal Pesra qui avait été éliminé, je crois. Ouais, par Ty Cruz, qui avait perdu contre Christina. Pire saison. Tu vois, là, c'était un des All-Stars où, justement, ils avaient voulu apporter un petit peu le fans versus favorites de Survivor, mais en faisant un sportif versus favorites. Et voilà, c'est une saison qui n'avait eu aucun intérêt, voilà. Mais qu'on pourra toujours chroniquer, on s'en fera le plaisir. Donc voilà, donc élimination de Chloé du coup, qui pour le coup, enfin à mon avis, elle pouvait pas faire davantage parce que ça, sachant qu'ils avaient retrouvé un semblant d'unité d'équipe, ça restait quand même la candidate la plus faible. Donc voilà, élimination logique, hein, rien à redire. Et ça fait quand même deux épisodes de suite que où c'est pas nul, il se passe des choses et tout, mais où il y a peut-être il y a un petit creux et je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je trouve qu'en milieu de phase en équipe, il y a toujours un petit creux d'éther avec des épisodes peut-être un petit peu plus faibles. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça non plus. Genre, je pense que l'épisode là était intéressant. Hein. Moi, je le trouve intéressant. Ouais, moi aussi. On a découvert des joueurs qu'on n'avait pas beaucoup parlé avant, comme Angélique qui s'est embrouillée avec Nicolas. On a pu voir une personnalité qui s'est. On a découvert un peu plus la personnalité d'Angélique, par exemple. Qu'on voit, en fait, elle est bien ancrée dans l'équipe et elle sera jamais éliminée avant la réunification, elle, par exemple. C'était peut-être un peu plus faible niveau stratégie. Il n'y a pas eu de stratégie dans cet épisode. Bon, je pense qu'on nous montre simplement les choses petit à petit. Comme au début, qu'on voyait quasiment pas les jeunes, mais là, on les voit un peu plus, par exemple. Ce qui a plus de choses à montrer. Maintenant qu'il n'y a plus Victor, elle n'a plus de quoi nous parler, c'est tout. Après, il y avait quand même une thématique, une ligne de conduite dans cet épisode, j'ai trouvé, entre le choix à faire pour le confort et le choix à faire pour l'éliminer au conseil. C'était un peu le cœur versus la raison. Et les deux fois, les équipes ont choisi la raison. Donc, comment vous voyez la suite, du coup, avec les images du teaser? L'alliance entre Aurélien et Angélique devient claire. Et on voit aussi qu'il va y avoir une cassure chez les Bleus, comme on l'a dit précédemment, avec d'un côté Cindy et Frédéric et de l'autre le reste. On a Felouze qui dit dans le chat, les jaunes ne demandent qu'à exploser. Je suis entièrement d'accord avec ça. Limite, ils sont capables de trop une épreuve, de perdre, de faire exprès de perdre une épreuve, je pense. Pas de récompense, d'immunité. Alors ça dépend, parce que je sais que, connaissant un petit peu la mentalité de l'émission, si jamais ils le font, je pense qu'ils se feraient rapidement sécher par Denis Brognard, parce qu'on sait qu'il aime pas beaucoup ça. Mais je crois que ça n'a jamais été fait dans cette émission. Si, ça a été fait, mais dans les toutes premières saisons. Dans genre saison 2, saison 3. Moi, je me rappelle, par exemple, c'était l'équipe des... Je sais plus si c'était les Rouges ou les Jaunes, où il y avait Nicolas, qui avait fait exprès de perdre deux immunités pour éliminer notamment Jackie. Ça reste rarement une bonne idée, en fait, de perdre les épreuves. Ouais, on pense que c'est une bonne idée, mais... Ça te met dans une situation où tu acceptes l'infériorité et tu sais pas comment... C'est un vrai pari, de perdre une épreuve exprès. Bah, c'est comme une saison de Survivor où ils avaient fait exprès de perdre... Ils avaient gagné toutes les trois premières épreuves. Ils avaient fait exprès de perdre une épreuve, du coup, ils ont perdu toute seule d'après. Parce que l'équipe était plus soudée. En plus, c'est la personne qui a voulu perdre l'épreuve a été virée. Ben ça, justement, c'est peut-être une question intéressante. Genre, est-ce que perdre exprès une épreuve, est-ce que ça peut être un coup de poker qui a son intérêt? Est-ce que c'est un suicide? Au contraire, selon le contexte, est-ce que ça peut être intelligent? Si c'est avant la majorité. Ça peut être intelligent si on veut absolument éliminer quelqu'un. Et si on a la majorité, même en la perdant. Et mais si bon, ça après, si les jeunes font ça, ce sera pour éliminer Nicolas, c'est clair. Mais Nicolas, pour la réunification, ce serait un très bon bouclier, donc je vois pas l'utilité de le faire. Ouais, c'est vrai. Surtout si proche de la réunification. Surtout Angélique, elle lui a dit clairement si tu veux partir, abandonne. Donc. Alors dans le chat, on a Losk Alexis qui dit que c'est très risqué. Au contraire, Felous qui dit que ça permet de lâcher du lest et c'est une excellente idée. Vaut mieux perdre une épreuve pour souder une alliance, garder un mec avec toi qui va te trahir en réunification. Oui. Ce qui se défend aussi. Tout peut mais je crois que dans Koh-Lanta, justement, c'est qu'il n'y a pas de stratégie parfaite et que tout dépend et du contexte et de la chance. Et ça, justement, quand on l'a joué un peu gamebot, c'est-à-dire avec un petit plan tout fait dans la tête, ça marche jamais, justement, parce que je pense que les meilleurs candidats, c'est ceux qui savent aussi s'adapter au contexte et qui ne récitent pas un plan tout préparé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, d'accord avec toi. Sans compter que lire une réunification à 3 équipes, c'est beaucoup plus difficile que lire une réunification à 2 équipes. Les dynamiques seront beaucoup plus incertaines, je pense. On peut moins lire le pagonging. Voilà, donc pour dire, c'est peut-être ceux qui ne connaissent pas, le pagonging ou pagonging, c'est quand les membres d'une alliance majoritaire éliminent un à un les membres d'une alliance minoritaire. Donc ce qui est une stratégie, c'est un peu le béaba, c'est très efficace, mais c'est très très chiant à suivre en tant que joueur. Et c'est ce qui se passait de toute manière de Koh-Lanta 5 jusqu'à Koh-Lanta 8. Toutes les saisons avec une grosse alliance qui éliminait les membres de la plus petite alliance et ça donnait peut-être les saisons les plus chiantes de la franchise. Koh-Lanta 8, c'était laquelle déjà avec Christina? Non, Koh-Lanta 8. Avec Bertrand. Bertrand, Christelle, Christophe et compagnie. Ouais, celle-là, elle était chiante. Enfin, à part genre juste Christophe qui a fait le. Du coup, ouais, un des personnages les plus intéressants était viré parce qu'il voulait plus faire ça. Quoi. Voilà, et puis que Christophe justement s'était retourné contre. Voulait se retourner contre Bertrand et il a choisi la mauvaise personne pour ça, c'est-à-dire Nathalie, parce que Nathalie a tout cafeté. Je pense, de toute façon, après, il aurait dû aller voir Carole, je pense, à ce moment-là, mais. Bon. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est dans ce cas-là, les gens, ils se sont dit, on va voter Christophe aussi. Ben non. Mais réfléchissez. Après, ouais, je pense qu'à l'époque aussi, je pense comme le jeu était vendu, vraiment, c'est l'époque à partir de 2004-5 où vraiment la morale était très présente. On le vendait vraiment comme un jeu d'aventure avant tout et non pas comme un jeu de stratégie. Je pense qu'aussi, les gens pensaient vraiment... équipe et n'avait pas trop cette vision du jeu quoi. Donc voilà, ça pour ça on peut dire heureusement que Koh-Lanta a évolué et s'est inspiré de ce qui se faisait notamment outre-Atlantique. Du coup, si vous avez quelque chose à rajouter à propos de cet épisode. Ben Modé est toujours aussi parfaite. On va passer au crescendo, le jeu de Plantcaster. Alors, on a Cerce qui dit Nicolas, Claude, Fred. Plantcaster qui dit Frédéric, Nicolas, Xavier, Losk Alexis, Nicolas, Fred, Xavier, Clément, quel serait le tien? Pourquoi moi d'abord? Parce que. D'accord. Voilà. En alphabétique. Oh. Ah oui, c'est vrai. D'habitude, c'est le meilleur pour la fin, enfin le meilleur au début pour une fois. Alors, moi, je suis à peu près d'accord avec tout. Après, je suis pas d'accord avec cet ordre-là. Moi, je vais dire Nicolas en premier. D'accord. Pourquoi Nico? Bon, parce que si les gens y vont au conseil, c'est lui qui t'aide. Après, je vais mettre Frédéric. Ok. Parce que il va encore t'aider. Et Steve, tiens, au cas où. Ah, petit coup de poker. Alors, ça continue dans le chat. Soweto qui parle de Clo, Nicolas et Xavier. El Predator qui parle de Frédéric, Xavier et Béatrice. Interpol, Frédéric, Nicolas et Maxime pour changer. Bah, c'est audacieux. Alors, pour ma part, du coup, je pense que je vais suivre un petit peu ça. Donc, je vais choisir en premier Nicolas en cas d'explosion de l'équipe jaune. Deuxième, je dirais Clo dans l'équipe bleue parce que je pense que Clo, c'est peut-être la plus susceptible de partir. Je vois pas Frédéric partir, je vois davantage Clo partir avant la réunification. Et en troisième, eh bien, du coup, je vais mettre Sophie. Voilà. Julien. Je suis assez d'accord avec ce qui se dit globalement. Je vais mettre Nicolas en premier parce que cet épisode-là semble le conduire vers une fin prochaine. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit éliminé la semaine prochaine. En deuxième, je vais mettre Frédéric. Il y a quand même une alliance de 4 chez les Bleus. Seul Frédéric et Cindy en sont exclus, et Cindy a un collier. Donc, si les Bleus perdent, moi, je pense que Frédéric est un peu condamné. Et en 3, je vais mettre Xavier, parce que comme ça, ça fait un jaune, un bleu, un rouge. Et s'il y a le conseil pour les rouges, c'est Xavier qui sort. Donc, voilà. Lucas, maintenant, à ton tour. Ah, alors, eh ben, moi, en premier, je vais mettre Nicolas. Parce que, honnêtement, c'est le jeune qui a le plus de chances de sortir à cause de son humeur, de son manque pour son fils et tout. Et puis, je pense que ça commence vraiment à saouler son équipe. Et puis, c'est un bout facile. En deuxième, je vais mettre Frédéric, parce qu'il est vraiment exclu de l'Alliance. Et même si je l'aime beaucoup, malheureusement, je pense qu'il est qu'il a le plus de chances de sortir. Parce que Cindy, elle a le collier. Et voilà. Et elle est sportive aussi. Et puis, elle est sportive, oui. Et en troisième, moi, je vais mettre Xavier parce que il y a quand même un trio de trois en face de lui. Donc, voilà. Et en dernier, l'autre petit dernier, Scat, c'est à toi. Alors, moi, je vais mettre Frédéric en premier parce que je pense que ce bleu qui est plus susceptible de partir, il est exclu de l'Alliance. Cindy a un collier. Après, Xavier, comme Alexandre, Maud et Cyril sont alliés quand même depuis un moment, je pense que ce sera le prochain éliminé. Et Nicolas, à cause de son comportement gamin. Bon, pour ma part, donc le podcast est terminé. Donc, merci vraiment beaucoup à tous les intervenants. Donc, merci Lucas. Merci à toi. Voilà, merci Juju. Tu reviens quand tu veux. Merci Damien, c'était très cool. Merci Clément, encore une fois, très cool. Et puis, c'est moi. Voilà, tu passeras le bonjour à ta maman. D'accord. Et enfin, Scat, ravi de t'avoir eu, hein, et c'est pareil, à une prochaine, j'espère. Tu seras le bienvenu. Merci. Du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour analyser l'épisode 6 de Koh-Lanta. J'ai déjà hâte d'y être. Bisous à tous. Bisous. Bisous.